On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. C'est une journée importante aujourd'hui parce qu'à minuit, on va savoir si LeBron James va devenir joueur autonome. Il y a une clause dans son contrat qu'il pourrait avoir 35 millions. Il pourrait la prendre. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Bon matin, Damien. Pascal, effectivement, il y a une clause que je pense c'est les Cavaliers. C'est LeBron James qui l'a. 30 pour son contrat pourrait se mettre fin. Donc c'est aujourd'hui qu'on va savoir s'il va devenir joueur autonome. Oui, ben c'est aujourd'hui. Écoute, pour plusieurs joueurs, c'est le 29 juin. Donc, pour LeBron James, on parle que tous les dominos vont tomber à partir de sa décision. Il va attendre à la dernière minute. Est-ce qu'il reste à Cleveland pour une autre saison? Donc, il y a le droit. C'est vu que c'est son, on va expliquer l'option. C'est son option à lui. Tu as mentionné 35 millions. Fait que lui, il peut aller contre l'option et devenir un joueur autonome et après ça écouter toutes les offres, incluant Cleveland. Parce que c'est important de comprendre que s'il décide de pas prendre son option, il peut quand même renégocier avec Cleveland un nouveau contrat. On sait que ça fait plusieurs années que LeBron James prend des contrats de 2 ans, avec la deuxième année étant son option à lui. OK. Fait que donc, d'après toi? Ben écoute, Danny, il y a tellement de rumeurs. J'ai vu une vidéo, il est en vacances avec sa famille, je pense à Antigua. Les gens disent qu'il est en communication avec Kawhi Leonard pour Los Angeles. Qu'il a texté Kevin Durant, Stephen A. Smith a dit qu'il a texté Kevin Durant. Puis moi, je crois rien de ça. Je pense qu'il est vraiment en vacances. Je pense qu'il va prendre le temps de avec sa famille, parce qu'il a mentionné qu'à partir de maintenant, c'est sa 15e, ça fait 15 saisons qu'il est dans la NBA. S'il fait quelque chose, ça va avoir rapport à sa famille. Ce qu'il veut me dire à moi, deux choses. Il va rester à Cleveland parce que sa famille est installée à Cleveland. Ses garçons jouent au basket, ont grandi à Cleveland. Ou il va aller à Los Angeles parce que tout le monde sait qu'il y a une maison là-bas. Il y a une école privée là-bas où le fils de Scottie Pippen, plusieurs joueurs NBA ont leurs enfants qui vont dans cette école-là. Donc, ça pourrait être une école intéressante pour son garçon. Moi, je pense qu'il va sortir de son contrat, numéro un. Et numéro deux, je pense que ça va être entre Cleveland et Los Angeles. On parle beaucoup des 76ers de Philadelphie. LeBron a mentionné que ça ne dérangerait pas, mais ça ne fit pas vraiment dans selon moi, ça ne fit pas dans les plans de sa famille. Donc, je pense pas que c'est le style de joueur qui va laisser sa famille, exemple, en Californie, puis habiter à Philadelphie pour sa saison. Je pense qu'il y a le confort d'être chez lui. Lorsqu'il a signé avec Miami, sa famille l'a suivi à Miami. Parce que, tu sais, juste te dire, il y a beaucoup d'athlètes professionnels, Danny, qu'ils sont un endroit où ils habitent. Je te donne un exemple. Tu habites à Montréal, mais tu joues pour les Kings de Los Angeles. Ta famille reste à Montréal et tu t'en tiens. Je pense que ses enfants sont quand même encore jeunes. Il y a 3 jeunes enfants, sont vus à 14 ans, 13 ou 14 ans. Donc, je pense que c'est pas dans la nature de LeBron James de laisser sa famille derrière lui. Moi, je m'attends à ce que ce soit Cleveland ou Los Angeles. Et quand on dit Los Angeles, je pense qu'il faut mentionner les Lakers. Ça fait longtemps que je le dis, Pascal. Hein, on l'a dit quasiment tout le temps que moi, je le vois avec les Lakers. Les Lakers, c'est les Yankees de New York, c'est le Canadien de Montréal, c'est les Cowboys de Dallas, c'est une grande organisation. Donc les Lakers, ils peuvent pas éternellement être deuxième à Los Angeles. Donc, je pense, moi je le vois avec les Lakers de Los Angeles, surtout que apparemment ça c'est confirmé que les Lakers négocient avec les Spurs d'Antonio pour Kawhi Leonard. Ça c'est confirmé, ça. Ouais, pour Kawhi Leonard, absolument. Les Lakers ont réouvert. C'est pas compliqué. Kawhi Leonard a décidé, a annoncé aux Spurs, il est pas intéressé d'être là. Maintenant, c'est un petit peu comme les Cavaliers l'année passée lorsque Kyrie Irving a dit qu'il voulait partir. Ça peut se faire au mois d'août. Ça s'est fait à la fin de l'été, en passant d'année. Maintenant, les Spurs, est-ce que ça les intéresse d'échanger Kawhi Leonard dans une équipe qui vont dans l'Ouest? Peut-être qu'ils vont accepter de l'échanger, exemple, à Boston. Mais moi, je l'aurais vu avec les Raptors pour DeRozan. Non, là, je pense pas que Kawhi Leonard... De toute façon, c'est pas sa décision. Ouais. Parce qu'il est quand même sous contrat, un peu comme Kyrie Irving était. Mais lui, ce qu'il peut faire, c'est que les Spurs peuvent penser à eux-mêmes. Donc, si les Spurs, exemple, échangent Kawhi Leonard à Boston pour, exemple, Jason Tatum, Jaylen Brown, je te donne un exemple, un premier choix de repêchage, mais ça veut peut-être, puis tout ce qui va se passer, c'est que Kawhi peut dire, vous m'échangez à Boston, mais moi, je vais pas signer à long terme. Il peut aboutir à Los Angeles comme qu'il veut après l'année, parce que là, il y a plus de choix. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Fait que souvent, le joueur, comme Kawhi Leonard, a dit aux Spurs, vous m'échangez à Los Angeles, ou puis si vous voulez m'échanger aux Nuggets de Denver, ils peuvent le faire. Mais Denver va peut-être dire, ben non, on le prendra pas s'il va pas signer. Un peu comme, je sais pas si tu viens l'année passée, Paul George a accepté d'aller à Oklahoma City sur un contrat d'un an. Donc, il a accepté d'être échangé. Mais il lui a dit, ça veut pas dire que je vais signer avec vous autres. Ouais, c'est clair. Et en parlant de Paul George, c'est le troisième gros nom, selon moi, après LeBron et Kawhi Leonard. Et on tout le monde sait que lorsqu'il a quitté Indiana, lui, il voulait s'en aller avec les Lakers de Los Angeles. Et Magic Johnson travaille très fort pour essayer de récupérer. Et lui, en passant, Paul George a déjà annoncé qu'il ne restait pas, mais qu'il ne gardait pas son contrat. Donc, il a opt-out, comme on dit. Il a décidé de ne pas accepter l'offre de 20,7 millions pour la saison prochaine pour devenir un joueur. OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Donc, ce dossier-là. Du côté du marché des autonomes, est-ce que tu as. Tout va ça va être LeBron qui va dicter le reste. Hein? Ben, je pense qu'une fois que LeBron, on sait un peu ce qui se passe, ça va comme tu dis, ça va changer ou arranger beaucoup de situations. Je m'attends à ce que ça soit des dans les prochains jours très très le fun. On sait que c'est très important pour les médias, très important pour les fans de basketball. Et tu sais quoi, Danny, quand on parle du GOAT, du joueur le meilleur dans l'histoire de. T'es-tu d'accord avec moi que ça fait 15 ans que LeBron James écrit le narratif de la NBA, finalement? On parle toujours de LeBron James. C'est pas un signe que c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire, sinon le meilleur joueur de l'histoire, par rapport au fait qu'on en parle. Écoute, on peut pas avoir une conversation basketball sans LeBron James. C'est un peu dans le texte Michael Jordan, c'est la même chose. Non, absolument. Il domine vraiment tout. Et là, j'entends les histoires que je considère ridicules, qui est en conversation par texte avec Kevin Durant, de dire à Kevin Durant de venir le rejoindre. Il y a plein d'histoires. Pour moi, c'est une histoire farfelue. Je ne crois pas à ça. Je pense que LeBron James, quand il était plus jeune, puis je pense qu'il parlait vraiment avec Dwayne Wade, avec Chris Bosh, qui ont décidé de jouer ensemble lorsqu'il était à Miami. Et puis il y a une chose qu'il a dit lorsqu'il est revenu à Cleveland, il a dit qu'il voulait finir sa carrière à Cleveland. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va être quand même une journée intéressante pour les médias puis pour comment je pourrais dire ça, le blabla sport. Mais c'est le fun en même temps. Tu sais, moi personnellement, j'irais pas ça le voir à Los Angeles. Puis tu sais, avec tout ce qu'il fait au niveau du cinéma, au niveau de production d'émissions de télévision. Je pense que ça fait. T'as quand même, je pense qu'il y a une maison de 20 millions là-bas. C'est quand même pas quelque chose à. Ouais, c'est sûr. Donc, ça va être intéressant de voir Pascal, ce qui va se passer. Pascal, je veux te parler de deuxième point. T'es au New Jersey actuellement. Je sais pas si t'es au courant de ce qui est la nouvelle qui est sortie hier. Les Raptors reviennent à Montréal. Ils vont jouer un match le 10 octobre contre les Nets de Brooklyn. Je sais pas si tu l'as vu passer. Si t'as vu mon Facebook, je suis probablement le premier qui l'a sorti. Ah, OK. Avec Peter. 10 octobre, bonne nouvelle, évidemment, les Raptors. Écoute, est-ce que c'est Evenko? Pourquoi? Moi, je pensais que c'était à toutes les années, finalement. Puis, est-ce que ça va revenir pour de bon? Ben, c'est encore une année citée, là. Si on regarde les matchs pré-saison, on regarde qu'est-ce que les Raptors, où ils vont au camp d'entraînement. Ça va dans l'Ouest, à Vancouver, souvent. Ouais, mais ils vont quand même. Je pense que Montréal était dû. On sait l'investissement avec le Centre Bell, les gens d'Evenco, les gens de, je dirais même le Monson, parce qu'on a acheté un nouveau terrain. Donc, c'est sûr que ça sera pas à chaque année, mais on va dire qu'on est content de voir la NBA revenir à Montréal. Ça va être un gros événement. Toronto, quand même, qui a une équipe spectaculaire. Je m'attends à ce qu'il y ait au-dessus de 20 000 personnes. Ça sera vendu, Danny. Si t'as la chance de descendre voir le match, tu devrais le faire. Mais, ça va être le fun le 10 octobre, à marquer dans le calendrier pour les fans de basketball à Montréal, puis de voir les Nets. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec les Nets en plus. Moi, je vais tout faire pour essayer d'être dans un des entraînements avant le match, parce que j'ai eu la chance d'être un assistant avec Kenny Atkinson au Mexique. il y a quelques années là, dans Basketball Without Borders. Donc, j'aimerais être capable d'aller dire bonjour à l'entraîneur-chef des Nets de Brooklyn. Mais je suis très, très, très content de voir que la NBA revient à Montréal. C'est juste bon pour le basketball. Le basketball, il y a un bel engouement en ce moment, non seulement à Toronto puis le reste du Canada, mais au niveau du Québec. Puis en passant, ce lundi, l'équipe nationale avec R.J. Barrett joue à Ottawa dans les qualifications pour le championnat mondial. Joue à Toronto également. Là. Donc, c'est ce soir, les gens pourront voir ça sur Daz et également sur Facebook Live. Adam Silver prolongé de 5 ans, pas vraiment surprenant. Et avec le contrat de télévision que la NBA a eu, déjà là, c'était... Hein? Oui, contrat de télévision, je pense qu'il fait un excellent travail. Il est très à l'écoute, non seulement des propriétaires, mais très bonne relation avec la présidente de l'association des joueurs, bonne relation avec les joueurs. On a vu là, dans la cérémonie des où on a donné le MVP à James Harden, puis le sixième homme à Lou Williams, coach de l'année à Dwayne Casey. La soirée, un peu comme le hockey qu'ils font à Las Vegas, ils ont fait ça au basketball. Adam Silver a souvent été remercié par les joueurs pour son soutien, son apport. Donc, la relation entre le commissaire de la NBA est partout avec les joueurs, avec les propriétaires, très, très positif. Fait que non, je suis pas surpris de son extension de contrat de 5 ans. Pascal, bonne fin de séjour au New Jersey. On s'en reparle la semaine prochaine pour peut-être la dernière chronique de l'année, parce que je pense que autant ça va se passer dimanche, pendant que les yeux vont être tournés vers les joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, ça va être la même chose dans la NBA. Donc, on va s'en reparler. Est-ce que tu penses que les Raptors vont être actifs sur le marché des joueurs autonomes? Je m'attends à ce qu'il y ait un échange, puis tu as mentionné DeRozan. Je serais pas surpris que DeRozan ne soit plus à Toronto, parce que c'est quand même le joueur que les équipes veulent avoir. Kyle Lowry est peu cher et n'est pas vraiment intéressant exactement. DeRozan est le joueur qu'on peut aller chercher. Puis avec son salaire, je pense qu'on peut-être aller chercher deux bons joueurs puis un shot première ronde dans le futur. Là. Pascal Jobin, on s'en parle la semaine prochaine, probablement pour la dernière chronique de l'année. Merci beaucoup, Daniel.